Ne me quittez pas, il faut oublier. Tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oubliez les temps des malentendus et les temps perdus à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Au cœur du bonheur, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi je t'offrirai des perles et des pluies venues des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Ne me quittez pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas. T'es rencontré, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il. Cacharella, a te regarder donc.